Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Cérivore numéro 732, spécial Jules Verne au cinéma. Et pour cette émission de Cinéphage, alors là on a sorti la grosse cavalerie, puisque là on a une équipe vraiment complète, avec Dino, qui nous avait fait le plaisir de faire un spécial Superman avec nous il y a quelques semaines, puis qui est un grand fan de cinéma comme vous l'avez pu le voir. On a Marlène, qui est la représentante féminine et chef d'antenne de la radio. Et à la technique, on a Lilian et puis Vincent. Et bien sûr, votre serviteur. Donc, on va essayer de parler de la filmographie autour du thème du jour, qui sont donc les films qui ont été inspirés par un de nos génies de la littérature française, le grand Jules Verne, ce romancier visionnaire qui a fait rêver de nombreuses générations de lecteurs et de cinéphiles, en étant traduit d'ailleurs et vu tout autour de la planète. C'est un des auteurs qui a été le plus traduit au monde, pour le savoir, pour un romancier puis de cette époque. Parce que bon, on en a beaucoup des romanciers, mais quand même. On va commencer tout d'abord, chacun, par donner notre film préféré de Jules Verne et puis ce qui nous inspire ou nous a inspiré un petit peu. Bon, on va commencer par Dino, notre invité. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Le film que je me suis refait hier soir, justement, pour être à l'aise et complet aujourd'hui, le 20 000 sous les mers de Richard Fleischer. Avec entre autres Kirk Douglas, James Mason et comment il s'appelle cet acteur que j'avais adoré dans M le Maudit, Peter Lorre. Très grand film que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Hein, je l'ai vu quand j'étais petit, donc c'est la première fois que je le revoyais depuis presque 40 ans, ce qui est pas rien. Et j'ai totalement adoré. Ça m'a fait le même effet que quand je l'ai vu. Faut dire ce qui est, c'est grâce au matériel de base Jules Verne. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est le premier gros écrivain de science-fiction, geek. Et puis c'était un Disney qui n'était pas, je veux dire, qui était un petit peu hors des sentiers Disney, puisqu'on parle de la littérature, mais il y a du fantastique. On y est revenu un peu plus tard, mais c'était pas, les Star Wars qu'on édulcore. Là, on avait vraiment pris, comme tu dis, c'est très bien, la substantifique moelle de Jules Verne. C'est ça, puis c'était aussi une des premières grosses productions dessin animé de Disney. Ça a coûté, parce que je me suis commencé, pognon de dingue, c'est certain. 5 millions de dollars de l'époque. Aujourd'hui, 5 millions pour faire un film, c'est presque rien quand tu vois que c'est 300 millions et des patates. Mais j'ai trouvé ça grandiose. Je pourrais te raconter tous les détails, mais c'est marrant parce que toi, tu prends un acteur comme Kirk Douglas, que j'ai systématiquement vu dans des rôles sérieux, western, science-fiction, et là, c'est une production Disney, il chante avec sa guitare et tout, c'est le héros un peu jovial, totalement désabusé et tout, impeccable. On va passer à nos petits amis derrière la technique. Vincent, quel est ton Jules Verne favori? Alors, je vais être honnête, je suis pas extrêmement familier avec les adaptations de Jules Verne, mais je vais quand même partir sur Un voyage au centre de la Terre, de par ses multiples adaptations, que ce soit aussi bien en tant que BD, que film, que etc. Donc, on va dire Un voyage au centre de la Terre, peu importe. Mais quelle version, la version? Parce qu'il y a eu de nombreuses versions. Est-ce que c'est plutôt celle avec Dwayne Johnson, la dernière, plus moderne, ou celle d'avant, ou en général? En général, d'accord. Lilian, à toi? Alors, moi, mon père m'a fait découvrir quand j'étais... je devais avoir 8 ans, 20 milieux sous les mers. Et c'est devenu mon film favori. Je le regardais au moins 2-3 fois par mois. C'était vraiment mon film. Donc, moi, je dirais 20 milieux sous les mers, le tout premier. Celui avec Kirk Douglas. Exactement. Parce qu'on va voir dans Quiz Vu, Pas Vu qu'il y en a un paquet d'adaptations. Marlène, ton souvenir, toi? Le tour du monde en 80 jours. Et d'ailleurs, il y a eu une adaptation dessin animé quand on était petit de ce beau roman de Jules Verne qui, le saviez-vous, est né en 1828 à Nantes et décédé en 1905. C'était la petite touche connaissance de cette émission. Ouais, et puis moi j'apprécie parce que c'est un verso. Oh, ah ouais. Donc, et puis c'est quelqu'un qui a énormément voyagé de son bureau. C'est ça qui est très, très, très amusant. C'est quelqu'un, oui, lisait beaucoup, s'informait sur les techniques de son époque, un peu comme son copain H.G. Wells, hein, la machine à remonter le temps. Ils avaient une correspondance tous les deux, et c'était vraiment des visionnaires, et c'était des gens qui s'intéressaient à tous les sujets, ce qui fait qu'on a l'impression, quand ils font un roman, qu'ils ont été là-bas, quoi. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Mmh. Et en fait, pour l'anecdote, c'est qu'avec son frère, de leur chambre, ils voyaient le port de Nantes et les bateaux qui arrivaient d'un petit peu partout. Et donc, ça leur a donné cette imagination fertile, avoir des cargos qui arrivaient de Chine, avec du matériel et tout ça. Forcément. Et donc, ça leur a développé leur imaginaire à lui et son frangin. Puis ce qui leur a malheureusement, ce qui a suscité pas mal de critiques aussi, puisqu'ils étaient visionnaires, certes, maintenant c'est ce qu'on en dit, mais à l'époque ils étaient un petit peu pris pour des originaux, quoi. Et dernière petite anecdote, c'était aussi un royaliste. Oui. Bah. Voilà. Vive le roi. Vive le roi. Mais tu sais, ce que je trouve fantastique avec Jules Verne, c'était quoi qu'il sorte, comme roman, comme nouvelle, c'était hyper documenté. Tu vois, même si c'était de la science-fiction, même s'il était traité comme un uluberlu, comme tu dis, tu crois ce que tu lis. Tu vois, c'est pas comme si j'écrivais, je prends un vaisseau spatial, je voyage, je traverse trois univers et tout. Il y a une certaine véracité dans ce qu'il raconte, parce que il est, c'est ça. Il colle à la science. Il colle à la science. Et aux derniers progrès, et à ce que pensaient les gens. Il suivait un peu les dernières nouveautés, entre guillemets. C'est ça. Donc ça serait comme quelqu'un qui maintenant, si on avait dit qu'à une époque, on aurait chacun un téléphone portable, un ordinateur dans chaque maison, à l'époque on prenait les gens pour des cons. Voilà. Maintenant, le con c'est celui qui a pensé ça. Enfin bref, pour en revenir, moi c'est le voyage au centre de la Terre que j'ai revu récemment encore, la version des années 50, parce que... moi, j'avais pris une claque à regarder. Moi, j'adore les films d'aventure, de choses comme ça. Et cette idée d'aller sous la Terre, d'ailleurs, c'est un des seuls trucs qu'on n'a pas encore vraiment fait. Puisque, bon, pour des raisons, maintenant, on est un petit peu plus calé. Mais peut-être un jour, on arrivera à trouver un truc pour pouvoir vraiment voyager très loin. Bon, après, la façon dont il imaginait rentrer dans un volcan, sortir par un volcan... Oui, mais bon, l'idée était quand même assez révolutionnaire de dire, il y a peut-être un continent en dessous. La preuve, tous les ans, on découvre des choses. On sait maintenant qu'il y a une mer à l'intérieur, ce que lui avait déjà prévu à l'époque. Et avec les progrès scientifiques, on s'apercevra peut-être qu'il y a des endroits habités par d'autres formes de vie. Je ne parle pas des extraterrestres. Mais on voit en allant par exemple dans les abysses, on arrive à trouver des poissons pas possibles, qu'on dirait préhistoriques. Et on est capable d'aller sur la Lune, mais on n'est pas capable d'aller au fond des océans, hein, pour des raisons techniques. Donc voilà, bon, pour moi, pour en revenir au film, c'est vraiment le film qui m'a marqué, avec ces gens qui ne parlent pas la même langue aussi, le fait qu'il y ait... un Norvégien, un Islandais plus exactement, qui est leur guide. Heureusement qu'il y a la femme d'un des gars qui parle le norvégien pour transcrire en anglais. Il y a un Écossais et puis un méchant baron Saknussemm. Il y a tout cet univers. Et puis le fait d'être dans un endroit totalement inconnu où on n'a aucun repère. Et voilà, cette imagination débordante, moi, ça m'avait vraiment, vraiment plu. Non, et puis c'est fantastique, c'est, en plus toi, il y a un gros brassage multi-ethnique, culturel. Voyage au centre de la Terre, je l'ai vu plusieurs fois aussi, pareil, c'est un film que j'ai pas revu depuis... j'étais hésitant hier soir, tu vois, 20 000 sous les mers ou Voyage au centre de la Terre. Et encore une fois, tu vois, c'était une personne tellement en avance sur son temps que même des années après, 50, 60, 70 ans, t'as des films d'aventure... ou pas, qui sont directement issus de Jules Verne. Rien à voir, tu vois, je prends un film comme Les Goonies, qui est un film absolument génial, qu'il faut voir avec les enfants, que tu peux voir à n'importe quel âge, qui n'a pas rêvé de rentrer dans une grotte, traverser plusieurs pièges et trouver un bateau de pirates. Ouais. C'est tout à fait dans l'inspiration. Voilà. Eh bien, maintenant, comme d'habitude, là, on va faire un petit peu une chronique... pas exhaustif, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément mis, des films qui ont été inspirés par Jules Verne. Donc, À vous de les commenter ou pas, si vous sentez d'humeur à l'avoir vu ou pas. Bon, je vous rassure, hein, ici tous, on a, aucun d'entre nous n'a vu l'intégralité des films qu'on va citer, mais en partie peut-être. Alors, la première trace que j'ai trouvée, c'est Le Voyage de l'Arctique, un film de 1903, un court-métrage de Walter Birous, d'après les romans L'Aventure du Capitaine Arteras. Donc, c'était un film muet en noir et blanc, séparé en 11 scènes distinctes, au cours desquelles le capitaine Kitter va affronter un ours polaire, une statue de glace et un génie maléfique pour finalement découvrir le pôle Nord et y planter le drapeau américain avant de fumer un bon cigare. Donc, vous voyez déjà, à l'époque, America Uber Alos. Ensuite, je pense que personne n'a vu ici. Moi non. Mais, alors... Un truc important, c'est que si vous allez vous balader sur Internet, vous pouvez retrouver ces films-là. En préparant l'émission, je me suis fait un gros plaisir parce qu'il y a plein de choses que je vais aller voir après. Donc, vous pouvez faire de même. Ensuite, il y a À la conquête du pôle, un film de 1912, de 33 minutes. Un film français, sorti donc, cette année-là. Et plutôt aventure, épouvante, horreur, science-fiction, donc avec les moyens de l'époque. Et, comme disait Dino, bah oui, c'est ça. On apprécie aussi de voir les choses qui auraient pu être faites à cette époque. Et puis, bah, c'est un moyen métrage signé Georges Méliès. Le grand Georges Méliès. Mmh. Voilà, qui a amené beaucoup au cinéma et aux effets spéciaux. Et c'est d'après les aventures du capitaine Arteras, donc le même film dont on a parlé auparavant. Ensuite, Un drame dans les airs de 1904, film de 10 minutes, français, un court-métrage de Gaston Veil. C'est un drame dans les airs et une nouvelle de jeunesse de Jules Verne, paru dans le musée des familles sous le titre La science en famille. Et il préfigure le roman 5 semaines en ballon. Donc, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des petites œuvres de Jules Verne qu'on peut découvrir à travers les films. Ensuite, la première, alors tout à l'heure, je vous demandais quelle version, la première version de 20 milieux sous les mers, elle date de 1907, et donc c'est une aventure court-métrage de Méliès, hein, puisqu'on voit toutes ces animations qui sont bien caractéristiques de Méliès, et donc c'est un petit peu les débuts du cinéma avec des trucages, comme je disais, bien spécifiques. On dirait du carton-pâte maintenant parce que c'était vraiment fait comme ça à l'époque. Et, c'est ce que c'était, quoi. Et ça nous paraît kitsch, mais à l'époque, c'était fabuleux pour les gens qui découvraient le cinéma. Et toi, c'est pour ça que je disais, tu sais, qu'en préparant, en préparant pour l'émission, après 20 minutes sous les mers hier soir, donc je me suis refait Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui est totalement en lien, parce que pour le coup, Georges Méliès joue un rôle important dans le film, et dans plusieurs scènes, tu le vois créer tous ces courts-métrages de Jules Verne, la fameuse scène avec le missile sur la lune, 20 minutes sous les mers et tout, c'est absolument magistral, c'est un super film. Ensuite, donc, on a une autre version, 20 milieux sous les mers, donc là, une version américaine, film de Stuart Patton, un des premiers films à inclure des scènes sous-marines, et donc les frères Williamson ayant mis au point pour ce film, à partir d'une invention de leur père, un système qui permettait de filmer sous l'eau. On a même droit à des scènes qui sont carrément en fond sous-marin, donc c'est vraiment là, c'était plus des effets spéciaux, grâce à ce procédé, pour de vrai, hein. Ils ont été capables de filmer sous l'eau. Waouh, 1916. Oui, c'est là qu'on se dit qu'il y avait des gens déjà talentueux à l'époque. Hein. Il va falloir que je vois ça, parce que ça m'intéresse de savoir. Ensuite, alors Mathias Sandors, de 1921. Donc là, c'est vraiment un film, 1h54. Hein, et un film français de Henri Fescourt. Et donc, c'est l'histoire de Romuald Joub, qui incarnera notamment les personnages de Mandrin dans les films du même nom de Robert, héros de Miracle des Loups, ou encore Chabert dans Le Colonel Chabert. Le film a été tourné à Nice, donc les fameux studios de la Victorine, qui étaient à l'époque des grands studios, hein, il n'y avait pas qu'à Paris qu'il y avait des studios, et on pouvait voir des acteurs qui étaient à l'époque célèbres. Et Mathias Sandors, c'est un roman plutôt politique, on peut dire, puisque ça raconte des coups d'État et des choses un petit peu déjà à la mode. Et ce qui est bien, justement, dans Jules Verne, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire de la science-fiction ou de l'aventure, mais il a fait aussi des films un peu historiques, on peut dire. Ensuite, la première version de Michel Strogoff date de 1926. Waouh, je savais même pas que c'était Jules Verne. Si. Et ouais. C'est français. Je savais pas, excusez-moi. Et la preuve de l'internationalité de Jules Verne, c'est un film muet et c'est un film donc de Victor Tourjansky, hein, d'origine russe bien sûr. Film tourné à l'époque à l'extérieur en Lettonie. Et l'armée lettonne a même fourni 4000 soldats, cavaliers et fantassins pour faire la figuration. Le tableau de neige ont été tournés en Norvège. Donc, on peut dire que c'était une grosse production à l'époque. Hein. Parce que vous imaginez avoir 4000 figurants à filmer. Maintenant, on a l'image numérique, on prend 30 pélos et on les multiplie. 50 000 figurants, comme voilà. Ça, tout de suite. Et puis, aller en Lettonie, en Norvège. Donc, vous imaginez l'argent qu'il a dû falloir à cette époque déjà. Hein. Mais j'ai pas vu cette version. Michel Strogoff, je connais à travers deux spectres le film avec Kurt Jurgens et un feuilleton et télé. Et la série avec Ramon Arstorff. Beaucoup de gens ont découvert d'ailleurs à travers cette série. Ensuite, une première version de L'île mystérieuse en 1929. Américaine, film de Benjamin Christensen et Lucy Husbard, avec quelqu'un qui va sûrement parler au cinéphile, le grand Lionel Barrymore. Le papy de Drew. Le papy de Drew Barrymore, en effet, parce que c'est une famille de gens de cinéma qui va incarner une multitude de rôles durant 40 ans, hein, quand même. Lionel Barrymore a... Grosse carrière. Hein. Voilà. Ce film est entièrement en couleur, donc pour l'époque, c'était un exploit. Semi-parlant avec des effets sonores et une musique synchronisée, et il est considéré comme perdu puisqu'il ne reste qu'une partie de ce film, malheureusement, puisque les films à l'époque étaient faits sur je ne me rappelle plus le nitrate d'argent, je crois, quelque chose comme ça. Donc malheureusement, à l'époque, on pensait que ça allait être éternel, hein. On a vu ce que ça donnait avec les cassettes VHS par exemple, on s'aperçoit que rien n'est éternel, tout est fait pour le business. Et non. Et même le numérique, hein, on peut faire des copies sur un disque dur, et puis le disque dur, quand il pète... Mais n'empêche, des années après, on retrouve des vieilles bobines. Je sais qu'ils avaient retrouvé des bobines pour compléter Metropolis, de Fritz Lang, ou le fameux Napoléon... D'Abel Gance. Voilà. Donc peut-être, sait-on jamais. Oui, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils les retrouvent dans des vieux cinémas à bobines. Dans les archives, ou alors sur une brocante, ou chez un particulier, et c'est comme ça que l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, restaure des films. Heureusement, il y a des gens qui ont cette idée de mémoire, mémoire culturelle, et moi, je trouve que ça serait important de développer ce genre de choses, parce que la culture, ça doit être partagé par un maximum, et puis on s'aperçoit que des fois il y a une idée un petit peu de censure, hein. Faut pas trop montrer les choses qui existaient avant, ça peut donner des idées. Ensuite, une première version des Enfants du Capitaine Grant, qui est d'Union Soviétique, un film de David Gutman et Vladimir Vetchok, et ce film, je l'ai regardé, et en fait c'est bien fait. Donc ma femme me l'avait conseillé parce qu'elle l'avait vu quand elle était plus jeune. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est pas mal fait. Et en effet, comme je dis souvent, les films russes ou soviétiques en général, ils sont très doués pour les documentaires historiques ou les grandes réconstitutions. Et Les Enfants du Capitaine Grant, en effet, est pas mal, hein, pour l'époque, avec les moyens. Bon, problème, il faut trouver une version sous-titrée. Ah, oui. C'est parce que si vous ne parlez pas le russe, ça devient plus dur. Mais c'est toujours intéressant de découvrir. Non, puis ils ont une façon de filmer qui est à part. On en a parlé la dernière fois, tu vois, quand je parlais de Requiem pour un massacre. Je pense qu'ils ont une façon de filmer, une façon de faire les films qui est à part. Oui, puis ils ont comme toi, on s'intéresse beaucoup, et c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de cinéma soviétique, on le découvre maintenant, plus ou moins, comme on découvre le cinéma indien, le cinéma africain, tous les continents ont des films intéressants, et il ne faut pas se centrer sur les films français et les films américains, et c'est bien maintenant de faire aller chercher. L'explosion d'Internet, on peut dire, un des bénéfices, c'est ça. Bon, après, il y a du moins bon, le côté merchandising, mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Bah oui, et puis le cinéma, c'est universel. Le cinéma n'a pas de frontières. Exactement, ça c'est beau. Et ça devrait être partout pareil. Eh bien, je vous propose de faire une première pause musicale avec le film qui fait consensus ici, 20 milieux sous les mers, la fameuse musique de Paul Smith. Notre spécial Jules Verne avec notre super team radioactive. On va continuer à vous parler un petit peu de la filmo qui a été faite autour de Jules Verne. Et maintenant, on va passer à 1951, Mysterious Island. Donc un film américain, une version de L'île mystérieuse, la première version vraiment film. Un film de Spencer Gornod Bennett. Donc L'île mystérieuse a eu plusieurs versions. En général, c'est des gens qui s'échappent d'un camp de prisonniers de... À l'époque, oui, c'est des nordistes qui sont capturés par les sudistes, si je ne m'abuse. Et voilà, donc... Et ils se retrouvent sur une île complètement paumée. Bon, c'est un survival, on dirait maintenant. Encore une version de 20 milieux sous les mers, ben, celle qu'on vient d'écouter, la musique. Hein, un film de 2h07, donc qui était un film assez long quand même pour cette époque-là. Signé Richard Fleischer. Richard Fletcher, c'est Les Vikings, entre autres. Soleil Vert. Voilà, où on retrouve Kirk Douglas, d'ailleurs, et puis Charlton Heston pour Soleil Vert. Donc, un beau casting, comme je disais, Kirk Douglas, James Mason, qu'on retrouvera, c'est un spécialiste, entre guillemets, de Jules Verne, on va le retrouver plus tard. Peter Lorre, qu'on a retrouvé aussi dans plusieurs... Alors, Peter Lorre, c'est M le Maudit, pour ceux qui n'auraient pas vu ce film-là. Et c'est vraiment... Complètement dingue. C'est ce petit bonhomme, on verra, il a tourné aussi pas mal avec, dans les des inspirations de Jules Verne. Il peut jouer aussi bien les super salauds ou les espèces de pleutres. Et j'aime bien ce genre de personnage. Et il a une bouille qu'on reconnaît facilement. Bah, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, il y a ce terme-là. C'est une gueule du cinéma, quoi. Ensuite, eh bien, le tour du monde en 80 jours. Oui. Toi qui aimes bien, tu l'as sûrement vu, cette version de 56 qu'on voit assez souvent à la télé. 2h55, hein, donc y a de quoi faire avec Jules Verne, vu la longueur des romans. Faut faire le tour du monde. Et puis il y a 80 jours à meubler, donc on ne peut pas découper. Hein. On retrouve David Niven, La Panthère Rose. Le cerveau. Le cerveau avec Bourville et Belmondo. Les 55 jours de Pékin. Enfin bon, bref, un mec avec une carrière de folie. Et puis on retrouve Shirley MacLaine, une super actrice aussi. Moi je me rappelle toujours Siratoride avec Clint Eastwood, où elle joue cette prostituée déguisée en nonne. Elle était chouette, tu vois. Et par exemple, et bon, il y a plein de Shirley MacLaine, c'est aussi vraiment une enfant de la balle, hein, puisque toute la famille, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans sa famille en cinéma. Alors, en 51, la version la plus connue, je pense, à part la série, on a parlé tout à l'heure, de Michel Strogoff, là, 1h51, un film de Carmine Gallone, donc franco-italien, une bonne version avec un Kurt Jurgens impérial, et aussi l'actrice française Geneviève Page. Donc, cette histoire d'un courrier du tsar qui doit traverser une grande partie de la Russie pour aller... porter un message, puisqu'il y a une invasion des Tatars, hein, ça s'est jamais passé, mais c'était une possibilité à l'époque, hein. Toutes ces tribus, un petit peu, c'est la bagarre entre les nomades, les gens qui vivent de façon nomade, hein, comme les Tatars à l'époque, et puis un peu cette cour impériale russe, un peu dominatrice, hein, déjà, c'est l'Empire. Hein. Donc, mais c'est bien fait, puisqu'il y a des journalistes, un Français, un Anglais. Alors ça dépend des versions des films et des séries. Et puis, ils vont essayer, ils sont là un petit peu en envoyé spécial. Donc c'était assez marrant, puisque déjà, à l'époque, ça, quand on voit maintenant les envoyés spéciaux, spéciales pour couvrir les événements, déjà, Jules Verne... C'est plus la même chose. Hein. Non, c'est plus du tout la même chose, mais... si, on voit quand même que là, ils se font attaquer par les Tatars, ils peuvent perdre la vie, ils se font attaquer par un ours. Enfin, un très bon film d'aventure, si vous aimez, si vous voulez commencer Jules Verne soft, je trouve que c'est un film pas mal. Et puis l'acteur est génial. Puis Kurt Jurgens, voilà. Je ne sais plus dans quel James Bond il a fait le méchant. Et puis c'est quelqu'un qui a une carrière, pareil, qui peut jouer aussi bien des nazis que des aristocrates. C'est quelqu'un qui a une prestance, déjà. Une stature. Voilà. Et un film, je me souviens plus, il tourne avec Romy Schneider aussi, Katia, je crois. Et voilà, c'est quelqu'un qui est capable de jouer des rôles romantiques, des films d'action. Et puis, il est très crédible. Donc, c'est le mec assez carré et tout, en Michel Strogoff. Et puis, il a ce côté un peu rustre. C'est marrant, en étant aristocrate, mais dans Michel Strogoff, on voit la double personnalité. Ensuite, on a une version tchèque d'animation en 1958. C'est un film d'animation tchèque de Karel Zeman et inspiré de Face au drapeau. J'ai pas mis le titre parce que c'est en tchèque et... imprononçable. Donc, voilà, je mentionne ce film. Ensuite, il y a une version de La Terre à la Lune d'1h41 du Byron Atkin avec Joseph Cotten et Deborah Padgett. Donc, ce fameux voyage, alors là, c'est complètement... on en rit maintenant parce que ils vont sur la Lune avec des espèces de machines à vapeur. Enfin, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, pour nous, ça... Mais déjà, il avait l'idée qu'on pourrait aller un jour sur la Lune, quoi. C'est ça. C'est... Mais bon, On les voit, ils n'ont pas de tenue de cosmonaute. Non, ils vont carrément en chaussettes et en short, presque, quoi. C'est, ouais, mais c'est le côté marrant, quoi. Bah, ça, puis tu sais, ça avait encore un peu ce côté naïf. J'ai dû le voir quand j'étais plus jeune. Et puis en plus, il y a Debra Paget que j'adore, qui a joué dans mon film préféré, Les Dix Commandements. Quoi. Exact. Donc. Ensuite, bien, la version qui est ma version préférée, tu aimes bien, donc Voyage au centre de la Terre de 59, un film de 2h12, film de Henry Levin avec le grand Jeff Mattson, Pat Boone, qui joue le fameux adjoint, entre guillemets, écossais, dont je parlais tout à l'heure, et puis Arlene Dahl, qui joue cette aristocrate, veuve aristocrate, qui sert un petit peu d'interprète et de caution féminine à cette aventure. Ensuite, on aura The Terrible Clockman. Alors, j'ai découvert ce film, je ne savais pas qu'il existait, de 61, avec Shirley Temple, tiré du Shirley Temple Storybook. The Terrible Clockman est un film de Alan Reisner, donc avec l'enfant star Shirley Temple, et Eric Portman, magnifique interprète de Corridors of Mirror de Terence Young, en 48, et donc ça, c'est d'après une nouvelle peu connue de Jules Verne. J'avoue qu'elle est vraiment peu connue, parce que Master Zacharius ou l'horloger qui avait perdu son âme. Est-ce que l'un d'entre vous connaissait ce roman? Du tout. Hein? Absolument pas. Bon, vous me sauvez, parce que sinon... Là, j'allais dire, tu perdais toute crédibilité. Si non, on non, mais, non, mais surtout, ça aurait été terrible parce que t'aurais été obligé d'en parler. En plus. Voilà. Ensuite, Valley of the Dragoon en 61, 1h22, américain. Un film de science-fiction film de Edward. Et c'est librement inspiré de Hector Servadec de Cesare Danova. C'est pareil. Ça. Un des romans pas trop connus. Moi, j'avais lu le roman, mais j'ai pas vu le film. Ça me dit rien du tout. Alors, une version, ben, j'en parlais tout à l'heure, je l'ai vu hier soir, donc c'est tout frais. Le Maître du Monde, de 61. Un film d'aventure d'1h42, américain, d'aventure science-fiction. Un film de William Whitney, inspiré du roman du même nom, et qui est la suite de Robur le Conquérant. Et l'intéressant, c'est qu'on trouve Charles Bronson, sans moustache à l'époque, et Vincent Price, qui a fait je sais pas combien de films de la Hammer, la grande, et tous les Dracula, les Frankenstein, et du Hollywood bien sûr. Et encore une fois, c'est le fruit du hasard, mais Vincent Price qui a aussi joué dans Les Dix Commandements. Ouais, Vincent Price, il a une carrière, on en parlait de Lionel Barrymore, voilà. C'est des mecs, ils ont une carrière de fou. Et puis, c'est l'histoire de... C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui... Un pacifiste, alors ça rappelle un peu l'idée de Nemo, hein. Un pacifiste qui a inventé ce qu'on peut dire un avion à l'époque, une forteresse volante, et en fait, il décide de détruire toutes les armées du monde pour arrêter les guerres. Mais lui-même utilise les moyens... Le même principe. Voilà, donc c'est assez marrant. En fait, il veut pas devenir il veut devenir le maître du monde, mais pour interdire les guerres. Mais en fait... En provoquant la destruction quand même de vaisseaux. Et puis, si les gens lui résistent, il tue les gens aussi. C'est un personnage très réfléchi. Voilà. Donc, c'était aussi, je pense, ouais, sur toutes ces dictatures. C'était aussi une réflexion politique. Ensuite, on a L'île mystérieuse, une version assez connue de 1h41, une version anglaise, enfin, du Royaume-Uni. Plutôt jeunesse fantastique, et un film de Sid Enfield. Et dans ce film, on a Ray Harryhausen. On voit les fameux crabes géants qui attaquent, de l'animation image par image. Et voilà, c'est assez marrant de voir cette espèce d'île mystérieuse, mais remasterisée avec des monstres qu'on n'a pas forcément dans toutes les versions, où on voit plutôt le capitaine Nemo et compagnie. Là, on y introduit le côté horreur avec des monstres. Et puis c'était l'énorme Ray Harryhausen, quoi. Fantastique. Ensuite, Les Enfants du Capitaine Grant, une autre version de 62. On a parlé de la version russe, là c'est la version de 62. Aventure fantastique, un film de Robert Stevenson, des studios Disney, et la grosse apparition de Maurice Chevalier, qui chante d'ailleurs Grimpons à un moment. J'ai revu l'extrait récemment. Donc j'ai failli le mettre dans les bandes originales, mais bon... Répétons Grimpon avec un anglais à la Maurice Chevalier au bout d'un moment. Voilà, mais bon, allez voir le film. Bon, là, c'est vraiment du Disney familial, un peu sauce Disney. On parlait tout à l'heure des adaptations qui, comme Un milieu sur les mers, qui ont été meilleures. Là, bon, c'est voilà, à voir en famille, mais bon, c'est pas. C'est gentil. Voilà. Ensuite, une version espagnole de 62 de Deux ans de vacances de Emilio Jiménez Muriel. J'ai vu cette version, bah, ça se rapproche plus pratiquement du roman que la série qu'il y a eu à une époque, que vous avez peut-être vu, qui passait souvent pendant les vacances scolaires, donc du Jules Verne, avec cette équipe c'est une bande de gamins qui sont en école en Nouvelle-Zélande. Et dont un des gamins, qui sont dans une école de petits riches, quoi. Et l'oncle d'un de ces gamins a un bateau et il leur propose pour les vacances de faire un stage de voile, entre guillemets, on pourrait dire à l'époque, d'aller se balader sur ce bateau. Donc ils y vont et ils sont attaqués par des pirates et ils vont se retrouver à arriver à s'échapper, à prendre le contrôle du bateau et s'échouer sur une île. Et donc, c'est la survie d'une bande de jeunes avec tous les aléas, qui va être le chef, les compétences de chacun. Et je vous invite à découvrir le bouquin ou la série ou les romans. Ensuite, on a une version du Baron de Krak en 62, donc qui dure 1h23. Un film tchèque de Karel Zeman. Alors, comme je disais tout à l'heure, Karel Zeman, c'est un peu le spécialiste des adaptations de Jules Verne au niveau animation. En fait, il y a des personnages, plus de l'animation, des décors dessinés. Ça fait un peu naïf, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est pas vraiment une adaptation, mais un super hommage au roman de Jules Verne et à toutes ces inventions de machines volantes, et plus précisément inspiré de 20 milieux sous les mers et de la Terre à la Lune. Et puis aussi, c'est comme je dis, c'est plus dans les décors que ça fait penser à Jules Verne, et aussi c'est inspiré du Baron de Munchausen, un autre conte que dont Terry Gilliam avait fait une super version. Et une version qui personnellement est un gros flip pour moi, parce qu'à l'époque je devais avoir 8 ou 9 ans, et j'ai vu Les Indes Noires, un film de 64. Je vous rassure, je l'ai pas vu en 64. Un film de Marcel Blouval, donc un réalisateur français qui a fait beaucoup pour la télé française. Et c'est d'après le roman justement Les Indes Noires. Alors c'est l'histoire d'un ingénieur, James Starr, et un mineur, Simon Ford, qui décident de s'associer pour reprendre l'exploitation d'une mine en Écosse. Et quelques années plus tard, une véritable ville souterraine est construite, mais de mystérieux phénomènes vont s'y produire. Les mineurs font alors découverte de Neil, une jeune fille ayant toujours vécu sous la terre. Alors la grosse flip à l'époque, c'est que en fait apparaissaient dans ces mines des espèces de lumières vacillantes qui se baladaient. Et quand vous êtes gamin, vous êtes sous terre, les gens découvrent et vous montez, et hop, ces trucs qui apparaissaient et tout ça. Je me rappelle, j'étais avec ma sœur, on se planquait derrière le canapé, on regardait, mais bien flippant, parce que nos parents nous avaient laissé regarder ça en disant « Oh, c'est du Jules Verne, vous pouvez regarder ». On avait bien flippé. Mais... Il y a eu un film qui s'appelait Nell avec Jodie Foster, où elle était, c'est une jeune fille qui avait toujours vécu, mais là, dans la forêt, je crois. Oui. Un peu l'enfant sauvage, un peu comme l'enfant sauvage de Truffaut. Les 5 semaines en ballon en 62, un film de Irwin Allen avec Red Button et Peter Lorre. Donc, moderne aussi, puisque c'est marrant, c'est le côté impérial. C'est pour cette version-là. C'était une expédition qui doit traverser l'Afrique pour planter. De partir de Zanzibar et planter sur la côte, sur l'autre côte, le drapeau anglais avant que ça soit des esclavagistes qui prennent le pouvoir dans cette zone. Donc c'est pour combattre l'esclavagisme, impérialisme contre esclavagiste. Voilà. Bon, c'était d'époque, quoi. Bon, faut pas oublier que à l'époque c'était les empires coloniaux français, anglais, allemands. J'en passe les meilleurs avant que ça devienne des Américains. Et puis on a vu pour les Russes aussi, on en distribue pour tout le monde, puisque dans Michel Strogoff, c'était des conquêtes impériales. C'est ça, mais en plus, je vois que c'est un film d'Irwin Allen. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le gars qui a été à l'origine de tous les plus gros films catastrophes des années 70, même quand c'est pas lui qui réalisait, hein, tu vois, je pense à la... Ouais, mais il était scénariste. La Tour Infernale, Le Poséidon, Le King Kong de John Guillermin aussi. Ah, c'est ça, lui, j'ai vu. C'est lui qui est à la base de tout ça. Oh, oui, c'est un grand d'Hollywood. Hein, ah bah oui, on pourrait comparer maintenant à Eastwood ou des gens comme ça, quoi. C'est ça. C'est vraiment des... Et puis, ce qui est marrant, c'est que dans ce 5 semaines en ballon, on retrouve... Peter Lorre. Peter Lorre, dont on parlait tout à l'heure, le fameux M le maudit. Eh bien, alors là, il joue vraiment un esclavagiste, mais un petit peu soft. Enfin, il pense toujours à faire du pognon sur les gens, mais il est capturé, et puis au fur et à mesure, il s'aperçoit que c'est pas forcément bien ce qu'il fait comme métier, si on peut parler ça un métier. Bon, avec plein de clichés hein, sur l'Afrique de l'époque, donc c'est voilà, il faut prendre ça comme c'était à l'époque. Avec le recul. Avec le recul, comme je disais, il ne faut pas premier degré. Ensuite, Mathias Sandor, c'est une version un peu plus connue. Donc ça, c'est un film d'1h45 de Georges Lampin, où on retrouve Louis Jourdan, qui a été un des acteurs à la mode de cette époque-là, qu'on peut voir dans pas mal de films d'aventure. Bah, j'avoue, j'ai un peu la honte. Alors, je connais Louis Jourdan, mais je l'ai vu que dans 3 films, et sûrement, et sûrement pas ses meilleurs. Je l'ai vu en adversaire de Roger Moore dans James Bond, dans Octopussy. Ouais. Et des années après, il faisait le méchant de service dans 2 adaptations type série B de Swamp Thing, La Créature du Marais. Ouais, mais c'est marrant parce que ce gars-là faisait beaucoup de... Un peu quand on parlait de Vincent Price ou des gens comme ça, ou Christopher Lee, des gens qui sont plutôt spécialisés dans des rôles de méchants. Quoi. Mais bon, des fois, hein, vaut mieux faire une carrière en étant connu avec des rôles de méchants que faire un ou deux films et puis disparaître complètement. Exactement. Ensuite, eh bien, une version française du Tribulation d'un Chinois en Chine de 65, un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort et Ursula Andress. Impeccable. Impeccable. Donc, les gars, je ne sais pas si vous l'avez vu, passe souvent à la télé, donc vous pouvez vous rattraper. c'est une adaptation moderne de Jules Verne avec ce milliardaire suicidaire qui a tellement de fric, il ne sait plus quoi faire de son argent, et puis il en a marre. Donc il paye un mec pour le tuer, parce qu'il n'a même pas le courage de se suicider, et puis parce qu'il est complètement blasé, il n'a plus goût à la vie du tout. Donc il se lance dans un voyage en Chine, donc pour aller jusqu'en Chine, en passant par le Népal, le Tibet, enfin tra-tra-la-la. Et puis, donc il engage un tueur à gage, un Asiatique, pour le tuer, et le but du jeu, il ne doit pas savoir quand il va se faire tuer. Et malheureusement, il va tomber amoureux. Et là, puis il a plus envie de se faire tuer maintenant. Mais son commanditaire, lui, par contre, il a été payé, il veut faire sa mission. Donc vous imaginez, bon, avec du Jean-Paul Belmondo, donc cascade, roulez-boulez. Et puis surtout, Jean Rochefort en majordome. Exceptionnel. Donc. Mais tu sais, ces deux acteurs-là, Bebel et Jean Rochefort, je crois que tu peux me mettre devant n'importe quel film avec eux. Je regarderai et le plaisir sera. L'autre fois, je te parlais d'Alain Delon, dont j'ai vu quelques films, pas beaucoup, parce que il m'est plus antipathique qu'autre chose. Même il si, vous en prie. Mais Belmondo, c'est. Moi, je suis pareil. Hein, j'ai adoré tous ces films. Je suis plutôt un bébéliste qu'un Deloniste. <Ouais. rire> disons, parce qu'il y en a un qui est marrant, qui venait d'un milieu bourgeois, mais qui était simple, et l'autre qui venait d'un milieu simple, qui est devenu bourgeois. Exactement. Et c'est la différence entre les deux. Il y en a un qui a pris le melon avec le temps, et l'autre qui est resté simple, et qui, dont l'amitié, pour en venir à Jean Rochefort, il faut savoir que Belmondo était à la Comédie Française avec Philippe Noiret. Il y avait toute une équipe. Rochefort, Marielle. Oh. C'est tout. Serrault, non à l'époque, non. Noiret, Serrault, non c'était Noiret, pas... oui, mais ça. Mais en fait, bref, c'était cette génération. Ils ont tourné souvent ensemble et c'était des gars qui se retrouvaient hors plateau. Mais oui. Une bande de copains. Voilà, un peu comme on a pu le voir aussi avec les tontons flingueurs. Voilà, c'est des générations où il y avait des bandes de copains. On retrouve un peu avec Lelouch et tout ça. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment des bandes de copains qui prenaient plaisir à tourner ensemble et même à se ridiculiser dans des rôles pas forcément élogieux. Rochefort, là, il joue l'espèce de larbin obséquieux, vraiment coincé. Donc, c'était assez marrant. Mais j'adore, il a un style unique de jeu peu importe, que ce soit début, milieu ou fin de carrière. Ah ben, puis il fait très aristocrate. Hein. Mmh. Alors que c'était un mec hyper ouvert. Ensuite, eh bien, le dirigeable volé de 67, un film tchèque de notre ami Karel Zeman. Hein, lui, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, inspiré très librement de 2 ans de vacances, un film de celui qu'on a surnommé le Méliès tchèque. Hein, comme, justement, toi, Dino, ça peut t'intéresser, qui aime les... Et c'est vraiment, il s'est inspiré vraiment du travail de Méliès. Et puis, bah, 2 ans de vacances, on en a parlé tout à l'heure. Le Grand Départ vers la Lune, inspiré du roman De la Terre à la Lune. Un film de Don Sharp, inspiré donc de Terre à la Lune. Et on trouve Terry Thomas. Terry Thomas, c'est le fameux moustachu qu'on voit dans La Grande Vadrouille, T42. Entre autres, qu'on voit dans plein de films. Voilà, ça, tout de suite, vous l'avez en tête. Et puis, Gerd Fromme, qui est cet Allemand qui jouait beaucoup les colonels nazis dans les films de guerre et qui a joué un grand méchant aussi dans James Bond. C'est marrant, hein, le nombre de méchants de James Bond qu'on peut trouver dans cette filmo. Ensuite, eh bien, L'Orgue Fantastique, un film de 68. Là, c'est un téléfilm de Jacques Trébois, d'après la nouvelle de Jules Verne, Mai Rédiez et Mademoiselle Mi Bémol. J'avoue, j'ai jamais vu ce film et j'ai jamais entendu parler du roman. Donc, on est là aussi pour faire découvrir. Hein, c'est le but de cette émission. Ensuite, alors, là, une parodie avec les Stooges. Les Stooges, c'est un peu comme les Marx Brothers. C'est ça. Voilà, c'est des gens qui parodiaient tous les films possibles et inimaginables. Donc, un film de 63, Three Stooges Go Around the World in a Days. Donc, une comédie de Norman Maurer. Et d'après le roman, Le Tour du Monde en 81 jours. Donc, vous imaginez les conneries qu'il peut y avoir. Parce que les Stooges, Stooge, ça veut dire abruti. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner dans ce genre de film. Ensuite, un film, L'Étoile du Sud, d'1h45, un film d'aventure de Sidney Ayers, d'après le roman L'Étoile du Sud, où on retrouve quand même le grand Orson Welles, Ursula Andress et George Segal. Ursula Andress, hein, qui était déjà avec Bebel. Eh bien, un bon film d'aventure que j'avais découvert à l'époque. Je ne sais pas si c'est pas par l'intermédiaire de l'émission de Danny Mitchell, la dernière séance. La dernière séance. Voilà, c'était le genre de film qu'on pouvait découvrir. Donc, un beau film qui se passe en Afrique du Sud, avec l'Étoile du Sud. En fait, c'est un diamant, un gros diamant. Et puis Orson Welles, quoi. Orson Welles, quand il apparaît, c'est toujours intéressant. Ensuite, eh bien, on a Le Capitaine Nemo et la Ville Sous-Marine, de 69, un film anglais, de James Hill, avec Chuck Connors. C'est pas Chuck Norris. Non. Mais Chuck Connors a fait beaucoup de films, un petit peu Le Sixième Continent, des choses comme ça. Encore une gueule. Voilà, c'est un gars qui a tourné pas dans le... on pourrait dire des seconds couteaux beaucoup de séries B, des choses comme ça, mais ouais, il a une... Mais c'est marrant parce qu'il a un peu une tête à la Chuck Norris aussi, les blonds. Ouais, c'est ça. Taillé pour faire des films d'aventure, quoi, en fait. C'était un gros gabarit, et encore une fois, si on essaie de tracer des lignes pour faire des liens, Richard Fleischer, donc, a fait 20 milieux sous les mers, donc, qui a aussi fait Soleil Vert, dans lequel jouait Chuck Connors, qui était un méchant qui se foutait sur la tronche avec Charlton Heston. Alors, soit il joue le héros, ou alors il joue le bad boy musclé, quoi. Ensuite, on retrouve Strange Holiday en 69, un film australien, à noter, hein, australien, là, on n'en a pas encore eu. Un film d'aventure de Mandy Brown, d'après le roman 2 ans de vacances. J'ai vu ce film-là, ouais, c'est une pas mauvaise adaptation de ce film. Eh bien, je vous propose de faire une petite halte musicale avec la bande originale, avec l'ouverture de Tour du Monde en 80 jours, Around the World in 18 Days, le film de 1956. Eh bien, de retour pour ce spécial Jules Verne, avec la team radioactive pratiquement au complet, et puis notre invité Dino. Yes. Tout le monde est présent et n'est pas coulé avec le Nautilus, spécialement la technique, ça va ? Ça suit ? Nickel. Eh bien, on va recommencer avec un film qui s'appelle « Sur la comète », et on retrouve notre ami... maintenant, c'est notre copain, Karel Zeman, puisqu'on l'a cité au moins 3 ou 4 fois. Et donc, il a fait un film qui est tiré d'après le roman Hector Servadec, qui avait déjà été adapté, on en a parlé tout à l'heure. Et toujours film d'animation, aventure. On en parlait un petit peu hors antenne. Ce côté, ouais, tiré Méliès, où bon, faut vraiment s'accrocher si on n'est pas habitué à ce genre de film, parce que bah, ça nous paraît plus naïf, surtout pour l'époque. À côté, tous les films qu'on vient de citer des années 50, ou avec des effets spéciaux un peu plus léchés, entre guillemets, avec les nouvelles techniques qui montaient au fur et à mesure. Et là, ouais, on reste encore dans le cinéma, un petit peu dans le jeu, dans les décors, un petit peu à la Méliès. Ensuite, Le phare du bout du monde de 71, un film espagnol de Kevin Billington. Hein, c'est pas un espagnol, mais... Et c'est d'après le roman Le phare du bout du monde de 1901. J'avais découvert ce film et j'avais adoré. Un film à pas mettre à un public jeune, de jeunes. Oui, non. Violent. Avec un certain Yul Brynner qui joue un capitaine pirate de bateau. Et puis Jean-Claude Drouot. Alors ça, on en avait parlé dans Sérifage. C'est le fameux Thierry Lafronde. Donc, il a été beaucoup présent au théâtre, mais on le voit beaucoup moins au cinéma. Et voilà, c'est un film, oui, que vraiment film d'aventure, où deux personnes qui sont dans un phare, deux gardiens de phare, sont complètement isolés au phare du bout du monde. Et en fait, ils sont attaqués par une bande de pirates qui viennent chercher de l'eau et de la bouffe. Et puis, un capitaine bien sadique joué par Yul Brynner. Le grand Yul Brynner, qui est enterré à, je le dis souvent ici, Sainte-Catherine de Fierbois, à côté de Sainte-Maure. Vous pouvez visiter la tombe de Yul Brynner, parce qu'en fait, il était orthodoxe, et il y a un quartier orthodoxe là-bas, où il est enterré. Où il parle un français très convenable. Et puis une carrière... Les 10 commandements, encore une fois. Bah, voilà. Westworld. Westworld, dont on a pas. Si vous petit aparté, vous pouvez aller faire un petit tour sur le la page Facebook Radioactive, ouais. Radioactive 93 et 94.7 FM pour retrouver les podcasts d'Alain. Et puis vous pouvez aussi venir jouer au Cinéphage et au Cérivore Quiz. Où justement, je poste aussi toutes les émissions qu'on fait ici. Et puis vous pouvez vous amuser à jouer et à découvrir films et séries. Et puis écouter, oui, tous nos podcasts qu'on fait ici. N'hésitez pas. Donc, tout ceci pour en venir à notre ami Yul Brynner, qui en effet a fait une super carrière. Et puis après, eh bien, on va passer à L'île mystérieuse, celle de 73. Aventure, film de Juan Bardem et Henri Colpi, d'après le roman L'île mystérieuse de 1874, où on va retrouver le grand Omar Sharif, Jess Hahn et Philippe Nico. Alors là, c'est une version cinéma, mais la plupart des gens ont connu cette version, moi le premier, par la série qui est passée sur la télé à l'époque. Donc une très bonne série, une très bonne adaptation, avec vraiment un casting international. Donc je pense que ça avait été fait comme souvent, on a Jess Hahn qui était l'américain français de service, qu'on peut voir entre autres dans Les Grandes Gueules ou avec Bourville. Et puis il joue toujours l'américain de service, ce gars-là, un grand costaud. Donc Philippe Nico qui était à l'époque un comédien qui faisait beaucoup de théâtre et de séries télévisées. Et puis, Omar Sharif... Laurence d'Arabie. Voilà, la posture internationale. Le quartier... quartier plus. Chacun ses références. Et oui, c'est vrai que c'était un grand spécialiste, un grand joueur devant l'éternel de poker, de chevaux. D'ailleurs, il tournait beaucoup de films, d'ailleurs, malheureusement, à la fin de sa carrière, pour payer ses dettes. C'est... D'ailleurs, un de ses derniers films qui est, pour moi, magistral, le 13e guerrier... Il joue le rôle du mentor un peu d'Antonio Banderas. Et puis, ça, il est une apparition pas très longue dans le film, mais il incarne vraiment la sagesse. C'est ça. Puis c'est réalisé par John McTiernan, donc c'est top. Un de mes films favoris, ça aussi. Ensuite, je suis perdu. Ah, voilà, c'est... Donc, un capitaine de 15 ans, donc de 74, une aventure film franco-espagnol tiré d'après le roman Un capitaine de 15 ans. Bon, comme son nom l'indique, hein, c'est un jeune qui se retrouve à bord d'un bateau et qui est obligé de diriger le bateau. Et donc, ce qui est bien dans Jules Verne, c'est pour ça que ça, c'est souvent interprété comme des romans pour la jeunesse, surtout pour les jeunes générations. À l'époque, non, puisque c'était, il y avait beaucoup de science-fiction entre guillemets, d'inventions de matériel. Maintenant, oui, bah nous, on est nés tous avec ces inventions-là. Pour nous, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, on a un petit peu souvent retrouvé ça à Bibliothèque Verte. Jules Verne, c'était en France, c'était Bibliothèque Verte, c'est-à-dire pour les ados, jeunes adultes. Et alors que maintenant, on découvre que finalement, il y a plein de romans qui étaient moins connus. Et puis que, si on va à l'étranger, Jules Verne est appris, comme nous on apprend ici Balzac ou Tolstoï. Voilà, c'est. Mais les Français, on a toujours un petit peu un problème avec la science-fiction et les auteurs de science-fiction, je trouve. Je pense pas que ce soit forcément nouveau. On parlait comics l'autre fois de... Je pense que c'était une culture qui n'était pas prise au sérieux. C'est comme, comme les jeux, par exemple, ou les choses comme ça. Les jeux vidéo, ou la bande dessinée. C'était pas une culture sérieuse. Tu dis que ce que tu viens de dire là, tu lis du Baudelaire, c'est super. Si tu lis Isaac Asimov, c'est quoi ça? Ah, c'est des robots. Ben, je sais, j'étais littéraire. Mm-hmm. On devait présenter tout le temps des livres. Moi, j'ai présenté Isaac Asimov. Ma prof de français, hein, quelqu'un qui est... Ça, c'était au lycée, hein, c'est pas... Je lui présente, je dis, moi je présente Isaac Asimov. Et elle me dit, c'est qui? Voilà. Il est inconnu. Je dis, oui, c'est qu'un prix Nobel, ce mec-là. C'est clair. Et je dis, oui, je dis, voilà, c'est quelqu'un, je dis, si vous cantonnez de lire Balzac, voilà, ce mec-là, c'est bien, ils étaient bien, mais je dis, à l'époque, faut bouger, quoi. Et en effet... Faut bouger. Puis tu sais, la jeune génération actuelle, ils ont la chance d'avoir accès à tout. Internet, par exemple. À tout, voire trop et trop vite. Ils sauront pas ce que ça a été de se battre, notre génération, pour ce qui a été considéré comme de la sous-culture, quoi, tu vois. Oh bah, si, ils ont. Moi, je pense qu'ils ont à se battre aussi maintenant avec le rap, par exemple, en musique. Mm. Par rapport aux vieux comme nous, qui sont plutôt rock, on a toujours, je pense, cette évolution. Il y aura toujours, et tant mieux, quelque part, c'est comme ça que le monde évolue. Mais comme tu dis, il y a aussi, je prends le rap, mais je peux prendre plein de choses. Il y a du bon et du mauvais dans chaque... Bien sûr. Oh, oui. Il y a du commercial, comme on a eu le rock ou la variété du truc bien commercial. Et puis, regarde, le jazz à une époque, c'était la musique des petits voyous. Et ainsi de suite. Donc... par rapport à la musique classique. Donc, ça évoluera tout le temps. Mais y a des modes qui viennent, qui reviennent, d'autres qui passent. Et y a toujours ces conflits de génération qui font avancer les choses aussi. C'est ça. Eh bien, on va partir à un continent fantastique. Maintenant, le continent fantastique, un film de 77. Un film d'une heure trente. Film de Juan Piquer Simón. Donc... un hispanisant, d'après le roman Voyage au centre de la Terre. Je l'ai vu, c'est pas pour moi le plus séduisant. J'ai dû le voir aussi, mais comme toi, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ensuite, un film que je n'avais pas vu et que j'en ai profité en préparant cette émission, Le Retour du Capitaine Nemo de 78, un film américain de science-fiction, plutôt téléfilm de Alex March et Paul Stater. Et donc, d'après le roman 20 milieux sous les mers et L'île mystérieuse, un mix des deux, avec par contre un casting assez prestigieux, ah oui. José Ferrer, Burgess Meredith, okay. L'entraîneur de Rocky Balboa, on retrouve Mel Ferrer, et Horst Buchholz, qu'on a pu voir dans Les Sept Mercenaires, c'est un des Sept Mercenaires. Et puis une version un peu foutraque. Vas-y. Non, je disais José Ferrer qui faisait l'empereur dans Dune. de David Lynch. Tout à fait. Donc ça vous donne une image. Donc un film un peu, bon, c'est comme qui se faisait un peu dans les années 70. Moi, je dirais une série B. Mmh. Alors donc Nemo revient après de nombreuses années. Il est au fond de la mer. Par hasard, c'est les Américains qui le découvrent. Oh, ils sont forts, ces Américains. Et donc il se réveille avec son Nautilus et donc il en avance de. Les autres, les Américains, sont encore avec des petits sous-marins à propulsion. Et lui, bon, il avait déjà tout inventé. Et donc, ils veulent le récupérer. Il y a une partie des Américains, l'armée, comme par hasard, qui veut récupérer tout ça pour pour conquérir le monde, comme d'habitude. Oui. Et puis lui, Nemo, il dit, non, moi, mon but, c'est de retrouver l'Atlantide. Donc, et puis il y a un super méchant qui veut récupérer et faire péter toute la planète, un peu. Ça fait penser à Superman, justement, où il y a toujours un taré. C'était très à la mode hein, dans les... Bon, il y a toujours des tarés. Mais bon, voilà. Et donc, c'est un petit peu lutte. Voilà. C'est à voir, mais pas un film qui restera mémorable malgré son casting. Bah, tu vois, moi, ça me donne pas du tout envie de le voir pour une simple et unique raison. C'est que la fin de 20 milieux sous les mers, elle est parfaite. La fin du personnage, sans spoiler ceux qui ne l'auront pas vu, elle est parfaite. Et Un peu comme on voit dans l'île mystérieuse, c'est pareil. Faut pas de suite, faut pas de retour. Quoi. Et puis si vous voulez une série qui est un petit peu plus moderne, une série récente, c'était Nautilus, qui n'était pas si mal faite. Bon, à quelques épisodes, on avait parlé dans Cérivore, mais c'est parce que celui-là, il se voit. Une fois. Ensuite, j'ai mis Tales. Je vais m'y atteler. Hein. Tajemski O Soleveo Mesta, en 1980. Comment tu dis ? Ah la vache. Alors là, c'est pas notre ami d'habitude. Science-fiction, film tchèque. Comme quoi, lui, il a fait aussi des émules. Hein. Et c'est Ludvík Hrázda. Et ça, c'est d'après le roman Les 500 millions de la Begum. Un roman de 1879. Alors, c'est Lydia, ce film-là. J'ai lu, il y a quoi, peut-être un mois, ce roman. Je ne connaissais pas. Alors, c'est deux mondes utopiques qui s'affrontent. D'un côté, on a les Allemands qui décident de faire une société en utilisant toute la technologie pour la guerre. Et à côté, un Français qui va chez les Américains, il crée une cité utopique. Où tout est pour la culture, le partage, la paix, et tout c'est ça. Beau. C'est très bien, c'est très beau aussi, beau. Je partage. Oui. Non, c'est un film de science-fiction, hein. C'est pas... Mince. Oh. Ne comparez pas avec maintenant, sinon vous seriez très déçus. Faisons une ronde tout autour de la Terre. Et en fait, c'est un petit peu ce conflit entre les bons pacifistes, les scientifiques qui font tout pour le bien de l'humanité, et puis les espèces de tyrans ou les mecs un peu mégalos qui veulent conquérir la Terre. Et comme dirait la pub, toute personne qui vous pourriez penser serait fortuée involontaire. C'est vraiment ça. Donc le roman est intéressant. J'avoue, j'ai pas vu ce film. On le trouve peut-être, mais j'ai pas encore trouvé. Et puis, si c'est en version tchèque, non sous-titré, je vais avoir des problèmes. Ensuite, Les Diables de la Mer, un film de 82, excusez-moi, espagnol. On voit que les Espagnols sont aussi friands des adaptations de Jules Verne. Un film donc de Juan Piquel Simón, et d'après le roman, un capitaine de 15 ans, donc c'est encore une version. Je vous propose à nouveau une page musicale avec Voyage au centre de la Terre de 59, mon film favori, avec la musique d'un certain Bernard Herrmann, le compositeur favori d'Hitchcock, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et là, c'est le morceau Prélude, donc qui nous montre la descente vers le centre de la Terre. De retour sur Radioactive avec notre spécial cinéphage Jules Verne, avec toute la bande qui est autour de moi. J'espère que vous êtes toujours là et en forme. Oui. Toujours là. Oui. Eh bien, nous allons passer ensuite à Mystérieuse Planète en 82, un film de Brad Piper, d'après le roman L'île mystérieuse, bien sûr. Là, c'est la version science-fiction. Un groupe de voyageurs intergalactiques va se scratcher sur une planète inconnue qui s'avère peuplée de monstres en tout genre. J'adore. Voilà, donc c'était l'époque de où on transposait un peu tous les romans vers le fantastique, la science-fiction. Bah, c'est ça, puis j'ai l'affiche dans mon bureau. Parce qu'en anglais, c'est Forbidden Planet. Et c'est dans ce film qu'il y a un robot cultissime. C'est pas dans celui-là Non, ça, tu es en train de parler de la planète interdite. Planète interdite, Forbidden Planet. Avec Robin Robot et avec d'ailleurs. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, hein, qui apparaît dans un rôle sérieux. C'est pas Y a-t-il un flic, là, c'est. Carrément. C'est y a-t-il le lieutenant donc... Ouais, non, c'est vrai, Forbidden Planet. Ah ouais, j'ai confondu. Oh là là. Ouais, mais l'un dans l'autre, c'est inspiré. Mais ça se passe de toute façon. Ça se passe dans l'espace. Merci de venir à mon secours. Ensuite, le mystère de l'île aux monstres en 81. Pareil, aventure fantastique, épouvante, horreur. Pareil, c'est cette époque des années 70. On aimait bien, les années 80, mettre de l'horreur un petit peu partout. Parce que le fantastique, la science-fiction, c'était bien, mais. Pour attirer un public un peu horreur, on mettait quelques triperies, quelques monstres, et voilà. Donc ça, c'est un film espagnol de notre copain Juan Piquer Simón, hein, un spécialiste aussi de Jules Verne. D'après le roman, L'école des Robinsons, avec quand même Terence Stamp et Peter Cushing. Du lourd, voilà, du très lourd. Du très... Des acteurs qui ont... qui ont fait pas mal de films d'horreur, Peter Cushing, et qu'on peut voir d'ailleurs dans Star Wars, le premier, et Terrence Stamp dans le premier Superman, le ouais. Général Zod. Voilà, donc des gars qui sont plutôt habitués à des rôles de méchants, quoi. Et Peter Cushing, on l'a pu voir aussi dans les Sherlock Holmes, des films comme ça, quoi. C'est... Ah, il a vraiment les traits bien coupés au couteau, il fait aussi bien des méchants que des investigateurs, bon, c'est assez sympa. Et il a joué le rôle de Doctor Who dans deux films. Exact. Aussi. Les Daleks. Ouais. Donc, Le Château des Carpates, film de 1983, comédie, film tchèque. Et c'est donc Oldřich Lipský qui fait ce film d'après le roman Le Château des Carpates. J'avoue, je ne l'ai pas vu non plus. Non plus. Mais bon. Nous non plus. Ah, ça m'étonne, les gars. Donc, on a L'Aventure Fantastique en 88, Alien from L.A. Donc, un film français de science-fiction, un film de Albert Pyun. Oh la vache. Ah oui, tu peux nous en parler, de Albert Pyun. Bah, en fait, il a fait un premier gros film au tout début des années 80. Tu sais, c'était la mode Sword and Sorcery. L'épée sauvage, qui n'était pas si mal que ça. Qui n'était pas si mal, qui était prometteur. Et en fait, au milieu des années 80, comme je t'ai dit, hein, je suis un gros passionné d'arts martiaux, sport de combat et tout. Et dans les années 80, il y a eu beaucoup de films comme ça. Que ce soit des grosses productions ou des petites. Et je me suis tapé, mais alors tous ces films, tu sais, kickboxing, machin ouais, et tout bah ça. Oui, tout ce qu'on a. Et il en a fait plein. Et en fait, c'est pareil. Je pense que c'était un gars qui était hyper sincère dans sa démarche. Il n'a pas toujours eu des méga budgets, voire même moins. Et il a quand même réussi à faire le film Captain America de 89 ou 90, mais avec 2,50 balles. C'est comme ça que j'ai découvert Captain America. Bah, malheureusement. Ouais. Alors, c'est sûr que quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, enfin, en termes de films. Donc, voilà, souvent, il a fait des films, comme je disais, des fois dans des usines désinfectées avec 3 bâtons. Et, Bah, disons, c'est ce que. C'est, voilà. C'est... Des grands ont commencé comme ça. Hein. Bien sûr. Peter Jackson, John Carpenter. Bon, chez nous, on a notre spécialiste, c'est Moki. Eh ben oui. Donc, on peut voir que partout, c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui sont talentueux, mais qui n'ont pas d'argent. Et puis, des gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas talentueux. Merci, Bernard-Henri Lévy. J'en étais sûr. Ma target favorite. Tiens, piche, gratuit. Bon, il le mérite aussi. Bah oui, quand on fait 6 entrées pour un film, la première journée, on en fait un et puis on se cache après. Ce film, L'Aventure Fantastique, d'après le roman Voyage au centre de la Terre, donc c'est une adolescente qui part à la recherche de son père, un archéologue disparu, et qui tombe sur une civilisation souterraine étrange. Donc il y a un petit côté avec une civilisation, on change un petit peu le décor. Encore après, Voyage au centre de la Terre, une version de 89, un film de Rusty Lemore, Ran et Albert Pyn. Le retour. Le retour. Ensuite, Nadia et le mystère de Fuji. Donc ça, c'est un film de 91, un film japonais, et c'est un film d'animation de Sho Aono, et c'est une adaptation du roman 20 milieux sous les mers. Donc les Japonais se sont mis, c'est pas étonnant. Et du coup, ce film-là, parce que j'étais pas sûr, j'ai regardé pendant la pause musicale, ça fait suite à la série d'animation Nadia et le secret de l'eau bleue, qui était lui-même une série d'animation basée sur Jules Verne, donc vraiment la suite, qui aurait dû avoir un succès absolu en termes d'envergure, tel qu'il était présenté au début avec le succès, c'était l'équivalent d'un Dragon Ball en France. Et les producteurs, ils ont décidé au bout d'un moment d'être en mode « bah en fait, non, on s'en fout, on fait autre chose à la place ». Et résultat, ça s'est cassé la gueule et il est complètement oublié maintenant comme animé. Donc en même temps, ça permet de redécouvrir ça. Et merci c'est... Vincent pour cette précision. Parce non, que... mais et c'est dommage parce que pour avoir regardé la série du début à la fin, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une superbe série. Et c'est dommage parce qu'il y avait matière à en faire plus, comme tu dis, quoi. Ben oui, malheureusement, on sait que la loi des séries, c'est bon de le dire. Y a des navets qu'on remet et qu'on fait 50 saisons. Je blague. Mais non, moi je blague pas parce qu'il y a des films, des séries qui sont comme ça. Puis d'autres qui, malgré l'intérêt qu'ils pourraient avoir pour le public, parce que souvent c'est pas le public qui décide, malheureusement. Et on a plein de séries de sagas de films qui disparaissent parce que. Mais c'est ça. Il y a un mec qui met son argent là-dedans qui dit finalement, non. Puis voilà. Tu vois, les gens ont préféré Dragon Ball. J'ai jamais été fan de Dragon Ball Z. Pour moi, c'est du combat. Enfin, c'est bien fait, j'imagine. Mais que Dragon Ball Z dure depuis 20-30 ans et qu'une superbe série comme Nadia ou le secret de l'eau bleue se soit arrêtée au bout de quelques trucs parce que on voulait pas investir plus dedans. Oui, mais je pense qu'il y a je trouve pas ça logique. Le coût de production doit être moins important. Sûrement. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein, parce que l'exemple typique, moi, la culture manga, j'étais assez allergique. Pourtant, je suis d'époque où il y avait les Goldorak, ça me cassait les noisettes. Et j'ai découvert par la suite qu'il y avait des Miyazaki, enfin, c'est pas forcément d'un manga, mais Akira, des choses beaucoup plus travaillées. Maintenant, on fait des super choses. Et j'avoue que maintenant je suis plus réfractaire comme j'ai pu être à une époque. Moi je trouvais ça simpliste, comme tu disais, on se tape dessus, c'était pour moi, le dessin me plaisait pas, et il a fallu que qu'on mette un peu plus de qualité, je pense, dans le scénario, dans le dessin. Et maintenant, ils font des très bonnes choses. Ah tu regardes le Tombeau des Lucioles. Non, mais alors ça, moi, j'ai pu le voir qu'une fois. Je pourrais pas voir deux fois. T'es pas la seule. Les Lucioles sont mortes. C'est beau, c'est très beau. C'est magnifique. Un film extrêmement magnifique. Ah ouais, mais trop, trop dur. Peut pas. Eh bien, revenons à Jules Verne. Eh bien, nous allons avoir maintenant Les Aventuriers de l'Amazone en 1993, un film d'aventure de Luis Llosa, d'après le roman La Jaganda. Et donc, c'est l'intérêt, c'est qu'il y a Adam Baldwin et Daphne Zuniga, qui sont des acteurs qui ont fait une belle carrière derrière. Alors, Daphne Zuniga, je l'ai vu dans un seul et unique film, mais que j'adore, c'est La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Voilà, ça vous donne... Non, mais c'est une fille qui a une carrière moyenne, donc, on l'a vu dans pas mal de films, et puis Adam Baldwin, c'est la fratrie Baldwin. C'est ça. Et Luis Llosa, le réalisateur, j'ai vu qu'un seul autre film de ce monsieur, efficace en soi, c'est lui qui a fait le premier film Anaconda. Oui. De toute façon, il aime bien l'Amazonie. Hein. Ouais, ça, on dirait. Comme par hasard, il est par là-bas. Hein. Ensuite, encore une version du Tour du Monde en 80 jours que je pense là pratiquement tout le monde a vu, en 2004, de Frank Coraci, avec Jackie Chan dans le rôle du valet passe-partout. On a Steve Coogan qui est le héros et Cécile de France et Arnold Schwarzenegger. Alors là, c'est vraiment une version qu'on a voulu à l'international en mettant des stars de tous les pays. Du pognon. Et pour faire du pognon. Bon, une version plus comique, je dirais, aventure comique. L'intérêt, je sais pas, les gars, vous l'avez vu sûrement cette version. Alors moi je l'ai vu quand j'étais jeune et je l'ai adoré. Maintenant avec mon regard de garçon de 21 ans, je suis pas sûr de autant l'aimer que je l'aimais à l'ancienne. Ouais, il se regarde, il est rigolo. Et il y a des situations tellement absurdes et effectivement il y a le côté comique qui est tellement appuyé que c'est un bon film pop-corn maintenant. Voilà, donc puis on a Arnold Schwarzenegger en ridicule. Et ça fait plaisir aussi, j'aime bien chez Schwarzenegger, c'est ça qu'il... Il y a certaines fois, comme dans Jumeaux, dans la comédie ou un flic à la maternelle, il ne joue plus maintenant que sur son rôle de costaud, contrairement à Stallone qui joue pratiquement toujours dans le même registre. Voilà, Schwarzenegger a pris des risques en se ridiculisant, hein, parce qu'il se fait une caricature de lui-même. Marlène, tu as vu cette Moi, j'ai vu Anaconda, en revanche, mais pas ça, non. Est-ce que je l'ai vu, c'est ça ? Oui, je l'ai vu. En tant que fan des arts martiaux, Jackie Chan, quand même. Alors, figure-toi, alors, je l'ai vu une fois, mais vite vu, vite oublié. Tu parles de Jackie Chan, je n'aime pas Jackie Chan dans les films américains. Je les ai tous vus, j'en ai vu quelques-uns, les Rush Hour et tout ça. Mais pour des questions d'assurance ou caisse, Jackie Chan, ça va pas très loin dans les films américains. Je suis excessivement fan de tout ce qu'il fait à Hong Kong, en tant que réalisateur, en tant que chorégraphe, tu vois, les Opération Condor, Mister Dynamite, Le Marin des Mers de Chine, c'est hyper chorégraphié, c'est des cascades, tu sais, Polystory. Bah, c'est asiatique. Mais, c'est-à-dire les mecs, ils sont carrés. Voilà, mais et là, dès qu'il fait un film américain, tu sais, Shanghai Kid et tout, tu regardes, c'est rigolo, c'est relativement bien fait. Bah, il y a plus le côté, oui... humour parodique. C'est ça. Et puis, c'est comme il va pas au-delà de ses capacités comme il fait dans ses films. Et puis, une caricature de l'asiatique. Souvent. Donc, non. C'est ça le problème. Dans les films de Hong Kong, comme tu disais, ou les autres films, j'ai vu dans la même série, où c'est tiré de Russes, c'est une production sino-russe. Et dedans, oui, c'est de l'aventure fantastique. Ouais. Mais voilà. Il y a plus le côté respect de la personne et du fait qu'il soit asiatique. Alors que, c'est ça. C'est un peu l'asiatique de service dans les films américains. Ça. Et ça, c'est un peu dommage. Comme le black va être le black de service. Voilà. Ou... Bah, en fait, tu sais, c'était un peu ça dans les années fin 50, 60 et tout. Tu vois, Bruce Lee, il a galéré à l'époque à cause de ça. Je pensais que ça changerait avec le temps, mais en fait, non. Le film est pas dégueulasse, hein, le tour du monde en 80 jours. Non, bah c'est rigolo, quoi. Mais si tu veux, c'est un bon moment, c'est vrai. Mais... Bah c'est ça, je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment, mais après, quoi. Tu vois, c'est pas le film que je vais avoir dans ma DVD Tech ou. Oui, bah c'est vrai que c'est un film qui se regarde, voilà, on peut dire familial. Là, il y a pas de problème, il y a pas de grosse violence. Les bagarres, c'est plutôt comique. Ils vont se jeter des trucs, et puis bon, le côté on se balade. Un petit peu les clichés, hein, parce qu'on se balade en France, on voit un peu les clichés sur les Français, les clichés sur les Turcs, là, quand ils vont se balader par là-bas, les clichés sur les Asiatiques, les clichés sur les États-Unis aussi, donc c'est... Voilà, mais bon, ça se regarde. Bon, ensuite, on a Les Aventures Extraordinaires de Michel Strogoff en 2004, un film d'animation de Bruno René Huchet, d'après le roman de donc, Michel Strogoff, avec la voix d'Anthony Dolan, qui joue la voix de Michel Strogoff. Notre spécialiste du film d'animation, l'as-tu vu ? Du tout, je ne le connaissais pas du tout. Voilà, bon, je l'ai vu, c'est gentillet. Ben, c'est un petit peu une adaptation, un petit peu tout-terrain, hein, pour que tout le monde puisse voir ce film, comme malheureusement pas mal de ce genre de films. Ensuite, on a... Alors, 30 000 pieds sous la mer, un film de 2007. Donc, film de Gabriel Bologna, d'après le roman 20 milieux sous les mers. Je ne l'ai pas vu, et puis j'ai l'impression que c'est une vie. Comme tout à l'heure, on parlait du retour de Nemo, j'ai l'impression que c'est une adaptation. Voilà. Encore une adaptation de Voyage au centre de la Terre, alors là, beaucoup plus connue par les jeunes générations. Où dans le premier opus de 2008, on retrouvait un film de Scott Weller et Danny Jones. Donc c'est un scientifique américain qui construit un gigantesque engin de forage dans le but de secourir des 6 chercheurs téléportés à 600 km sous la Terre. Est-ce que vous l'avez vu ce film ? Celui-là, ou Brendan Fraser ? Non, c'est le précédent. J'ai un métro de retard. J'ai pas vu ça, mais j'ai vu celui-là avec Brendan Fraser. Ouais. on est énormément fan à la maison de cet acteur. Ouais, c'est justement, je vais enchaîner après. Donc, voilà, ce film-là. Et par contre, oui, il y a la version donc, Voyage au centre de la Terre, nouvelle mouture, on pourrait dire, aventure fantastique science-fiction, un film de Eric Breivik. Et là, on trouve Brendan Fraser et Josh Hutcherson qui joue son neveu. Et Brendan Fraser, à l'époque, on jouait un peu sur la momie. C'était l'acteur qui était à la mode, qui est tombé un peu... qui revient maintenant, grâce à son rôle où il a eu un Oscar. Si The Whale. Voilà. Mais c'est un acteur qui était complètement tombé dans l'oubli. Et par contre, à l'époque, c'était voilà, Brendan Fraser, on le retrouvait... C'est le genre de comédien, il a un côté sympathique. Toi, tu sens que le gars, dans le réel, il doit être super cool et tout. Et puis, donc, il y avait la momie. Georges de la Jungle. Il avait fait un film dont j'ai oublié le nom, mais avec Adam Sandler et lui, et Steve Buscemi. En fait, il joue des... des musiciens de hard rock qui prennent Une radio en otage. Ça doit être sympa. Ça. Ah, c'est excellent. Pour les fans de hard rock, dans l'émission qu'on avait fait avec Jean-Marie, d'ailleurs, un petit coucou à lui s'il nous écoute. Salut Jean-Marie. C'était un spécial hard rock au cinéma et j'avais parlé justement de ce film-là et c'est vraiment une caricature du hard rock. Des gars bien gentils, super casting, qui prennent le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de prendre une radio en otage. Et en fait, pour pouvoir faire leur fameux concert, pour se faire connaître et tout, et se faire de la pub. Donc c'est assez délirant avec ce casting d'acteurs. Ah, ultime. Ensuite, on reviendra à un autre film après, c'est Voyage au centre de la Terre 2, L'île mystérieuse, de 2012. Donc, toujours Brad Peyton qui va reprendre le flambeau. Mais là, en fait, Brendan Fraser n'étant plus à la mode, c'est Dwayne Johnson qui va remplacer le rôle-titre. Et on retrouve le neveu, toujours joué par John Hutcherson, et le grand Michael Caine. Ça, c'est pareil. The Rock, enfin Dwayne Johnson... Dès le début, j'ai été fan. Roi Scorpion. Le Roi Scorpion. Enfin, la momie. Il y avait sa carrière, tu sais, dans le catch et tout. Il a fait quelques films que j'ai énormément adoré, malgré le beat de Black Adam. C'est une adaptation de comics que j'ai surkiffé. J'adore ce film. Moi, j'étais à fond dedans. J'ai acheté les figurines et tout directement après. Mais pareil, c'est un mec qui a un capital sympathique. Et je l'ai bien aimé dans ce film aussi. Bon, c'est vrai qu'on le voit un peu partout, à toutes les sauces. Bon, San Andreas. Fast and Furious... San Andreas, que j'ai adoré. Ah oui, c'est lui, oui, c'est bien ce qui me semblait. Là, j'attends beaucoup son prochain film, là, qui pourrait être, pourquoi pas, oscarisable, Smashing Pumpkin, un film sur un champion de MMA qui était accro à tout ce qui était Picouz, machin et tout ça. Et apparemment, il aurait fait un gros travail de préparation, d'acteur et tout. Et puis, il prépare le prochain film de Martin Scorsese avec DiCaprio. Ça va être énorme, ça. Et puis, pour terminer ce tour de Jules Verne, il y a Mysterious Island, un film de 2012, aventure, épouvante, horreur, science-fiction, on mélange tout, de Mark Sheppard. Et donc, à la suite d'un accident spatio-temporel, plusieurs personnes appartenant à différentes époques se retrouvent perdues sur une île inconnue, évadé de la guerre de sécession, touriste du 21e siècle, étrange capitaine surgit du passé, tous ces individus vont cohabiter sur une île mystérieuse et ils devront affronter des créatures monstrueuses, mais aussi un pirate et un volcan en éruption. Pour une seule question, comment s'échapper de l'île ? Bon, ça fait un peu recette foutraque où on met un peu de tout, je l'ai vu. L'idée pourrait être bonne, mais ça se dilue, quoi. On part dans tous les sens. L'idée du voyage temporel, c'est pas mal de mélanger. Bon, ça a été fait dans pas mal de séries et de films. Mais là, on s'y perd. Et puis bon, il n'y a pas derrière tous les moyens. Ça ressemble à un gros pudding. Voilà, c'est ça. C'est pas très digeste. J'aime bien l'image. Comme le pudding, pas très digeste. Voilà, bien, on a fait un tour assez conséquent de Jules Verne au cinéma. J'espère qu'on vous aura donné envie de voir un petit peu tout ce qui peut... se faire. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui nous ont échappé, et peut-être, j'espère, de nouveaux films sur le sujet, parce que de nombreux romans n'ont pas encore été adaptés. Bon, j'ai pas parlé des séries, bien sûr, des séries d'animation, la très bonne série d'animation, où justement, C'était des épisodes de 50 minutes où on trouvait un peu des romans un peu moins connus comme la Jaganda et compagnie, et c'était bien fait, moi j'avais trouvé ça sympathique. Et bien maintenant, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Le coup de cœur vidéo du jour, eh bien, c'est lié un peu à ce Jules Verne, puisque c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un film américano-britannico-germano-tchèque, alors déjà, de Stephen Narrington, sorti en 2003, et qui est une libre adaptation de la bande dessinée éponyme d'Alan Moore et Kevin O'Neill. À la tête d'un groupe de terroristes, un inconnu se faisant appeler le fantôme menace l'ordre international en dressant les nations européennes les unes contre les autres devant la menace imminente d'un conflit majeur qui est la Première Guerre mondiale. L'Angleterre décide de former la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Cette ligue est composée de l'aventurier Alan Quatermain, de Tom Sawyer, membre des services secrets américains, de la chimiste Mina Harker, qui cache ses talents de vampire, de l'homme invisible nommé Rodney Skinner, du dandy immortel Dorian Gray, du docteur Henry Jekyll, ainsi que du capitaine Nemo. Ces sept personnages hors du commun embarqueront à bord du Nautilus à destination de Venise, où ils vont devoir contrecarrer les sombres projets du fantôme. Ça, à savoir, petite anecdote, c'est le dernier film de Sean Connery, et malheureusement, ce film a un peu enterré, enfin c'est lui qui a décidé d'enterrer sa carrière à cause de ce film. Bah, il faut dire que la mise en place de ce film a été un sacré bordel. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de disputes, beaucoup de bagarres. Je te disais tout à l'heure, j'ai détesté le film, la première fois que je l'ai vu. J'ai essayé de le regarder une deuxième fois, mais des années après, j'ai dû m'endormir ou fatigué, bourré, j'en sais rien. Le truc, c'est qu'il faut savoir que adapter Alan Moore au cinéma, c'est compliqué. Parce qu'Alan Moore, c'est un auteur à part, qui passe ses discours, qui donne ses émotions et son point de vue sur le monde. C'est compliqué à adapter si tu veux faire un film tout public. Tu vois, Watchmen... V pour Vendetta, ouais. Et le problème de ce film, qui est relativement bien réalisé, hein, parce que Stephen Norrington, je t'ai dit, il a fait le premier film Blade avec Wesley Snipes, qui était vraiment un des premiers gros films Marvel bien foutus. Les personnages sont intéressants, ils sont issus de la littérature fantastique et tout, mais c'est trop sage. C'est bien fait, c'est impressionnant, c'est des effets spéciaux, c'est du pognon, mais il faudrait... Je pense que si j'étais pas avec vous aujourd'hui, dans ma tête, je me ferais pas le cheminement, tiens, je vais essayer de me le refaire. Parce que je vais essayer de me le refaire. Pour voir ce que ça donne, parce que j'ai pas vu depuis 10 ans, 15 ans, quoi. Mais l'idée est géniale. Le comic, c'est super. Si on n'est pas habitué au dessin un peu stylisé, ça peut choquer. Mais ça se lit à une vitesse fulgurante. Sean Connery, comme d'habitude... Impérial, les autres acteurs aussi, hein, parce que y a une bonne direction d'acteurs et tout, mais peut-être mettre moins de pognon et plus de liberté dans l'adaptation du truc, quoi. Moi, ce que j'avais bien aimé dans ce film-là, c'est l'idée de réunir, dont la BD était excellente, mais j'ai regardé la BD après avoir le film. Comme je fais souvent d'ailleurs. Le film me permet de découvrir, je parlais tout à l'heure des mangas, bah, je viens à travers, souvent tout à l'inverse. Comme mon côté, j'adore les romans, la lecture, les BD, mais je regarde le film, puis après ça me donne envie de développer. Et pour pas avoir, parce qu'on a toujours cette manie, le problème quand on a lu un truc, après l'adaptation ciné, on est souvent déçu. Donc, pour pas être déçu, je fais l'inverse. Je regarde le film, puis après je dis, bah oui, c'est dommage, ils ont pas bien, mais voilà. Pour pas avoir, parce que notre problème, c'est que notre cerveau est toujours très bien fait, on a toujours la représentation personnel de ce qu'on lit ou ce qu'on... La BD, déjà, il y a le visuel qui rentre en jeu. C'est ça. Mais voilà. Et donc, ce film, j'avais trouvé très bien de réunir, l'idée de réunir, après, plus ou moins réussi, plus ou moins... Mais l'idée de réunir tous ces personnages de la littérature... Ah, mais c'est super. ...de romans différents. Moi, je suis fan de Haggard, par exemple, de retrouver Alan Quatermain dans un rôle, de revoir le capitaine Nemo en mettant un Indien pour le jouer, comme le héros original... Et puis, bah, voilà, mettre du fantastique avec l'homme invisible, d'H.G. Wells, de mettre des vampires, du Bram Stoker, tout ça, un petit peu, tous ces personnages. Et l'idée, j'avais trouvé ça génial. Et je pensais derrière qu'on pourrait faire peut-être une saga. justement s'émanciper de la BD ou de s'inspirer encore plus et travailler et pouvoir faire revenir ses héros. Pas ceux qui meurent, bien sûr, parce qu'ils ne meurent pas tous. Et voilà, ça pouvait être... Et puis incorporer au fur et à mesure d'autres héros, de romans, pourquoi pas. Là, tu vois, on parlait des suites qui sont inutiles. Là, on pourrait faire quelque chose de... un peu différent. Bah, de toute façon, ça a été fait dans le comics. Il y a eu des suites à l'histoire d'origine. Et, mais c'est... voilà, encore une fois, le film aurait eu un succès financier. T'es certain qu'ils auraient fait une suite très rapidement, quoi. Voilà. Donc, mais je vais quand même, pour de vrai, très sincèrement et objectivement... je vais essayer de me revoir le film avec... un autre regard. Voilà. Avec leur... Les gars, est-ce que vous aviez vu cette version ? Alors, moi, oui, je l'ai vu et je l'ai adoré. C'est surtout le fait qu'on ait tous ces personnages qui viennent de chacun de leur histoire différente et qui se retrouvent, un peu comme les Avengers de la littérature. Ouais, c'est donc ça. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce film. Bah pareil, c'est un film que j'ai vu il y a pas mal de temps, il faudrait que je revoie, mais j'en garde un très bon souvenir. Moi, mon seul regret, c'est d'avoir enterré encore ces maudits critiques, d'avoir enterré, fait que devant la critique, devant les conneries de certains abrutis derrière leur bureau qui n'ont rien foutu, un gars comme Sean Connery, de le casser comme ça et de lui avoir fait arrêter sa carrière. Parce qu'il a été dégoûté par tout ça, il a dit « bon, bah, j'arrête le cinéma ». D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'avait pas participé au dernier Indiana Jones, enfin le crâne de cristal. Vous imaginez, se permettre de critiquer les mecs dans un bureau qui n'ont jamais rien branlé. Mmh. La plupart du temps, c'est la plupart des critiques, pour moi, c'est des ratés du cinéma. Parce qu'au moins, on peut avoir un avis critique, comme on dit, mais ça peut être positif, négatif. Mais l'étayer, mais descendre quelqu'un parce qu'on n'a pas aimé... Regardez ici, là, on n'est pas d'accord sur certains films, mais on ne va pas dire c'est de la merde. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on est ici pour parler cinéma et culture, pour partager des points de vue et tout. On n'est pas... On n'est pas payé déjà pour non, l'industrie du cinéma. Non, mais on n'est pas là pour faire, et je déteste ça, les haters. Tu vois, maintenant, dès qu'un film sort, dès qu'un album de musique sort, une BD, un livre... les réseaux sociaux, c'est de la merde, alors donc, ça va découler, et puis ça a enterré des films, hein, tu vois, Joker... John Carter. John Carter, qui est absolument fabuleux comme film en plus. Mais comme tu dis, ce film-là, il est pas bien et tout, pourquoi est-ce qu'il a joué dedans et tout, on oublie qu'un film, peu importe, grosse production, petite production, série B, série Z, c'est des gens. C'est des gens qui bossent dessus. Il y a des gens, ils vont passer des nuits blanches à faire des dessins, à faire une mise en scène, à répéter son texte. Des gens qui vont préparer les effets spéciaux, qui vont... C'est ça. C'est-à-dire... toute une équipe, c'est un travail d'équipe. En fait, quand je juge un film, je juge pas le film en... il est bien, c'est de la merde, c'est un navet, c'est... Ouais, ça aurait pu être mieux, il est pas mal, mais... Je pense que c'est des gens... Pour une critique, c'est plutôt comme... Sans nous jeter des fleurs, comme on fait... J'ai pas apprécié. Parce que. Mais après, je peux comprendre que quelqu'un va bien aimer. Bien sûr. Et puis, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, même là, on est assez consensuel, on va regarder des films à une certaine époque, à un certain moment, avec soit l'âge, les conditions dans lesquelles, si on est en forme ou pas en forme, le film, on va pas le prendre, on va le prendre différemment. Bien sûr. Et avec le temps, on va dire, comme on parlait tout à l'heure, ça, je l'ai vu quand j'étais gamin. Ouais, maintenant, ça sera moins drôle, je le trouverai moins intéressant. Ou à l'inverse, j'étais trop jeune pour regarder ce film-là, et puis bah, maintenant je l'ai regardé, je vais apprécier. Donc je pense que notre rôle en tant qu'émission ciné, sans prétention, c'est de faire découvrir des choses et laisser les gens... Comme je dis, mais dans tous les domaines, on a un cerveau. Après, faut l'utiliser. Et dire, voilà, j'aime pas, pourquoi ? Ou j'aime, pourquoi ? Mais pas dire c'est de la merde. Mais c'est parce que tu sais, ces fameuses. Ça fait bizarre parce que là, j'en pense qu'on est en train de tirer à boulet rouge. Mais c'est des pseudo-érudits. Hein, je vais pas dire pseudo-érudits, bobo, et j'en passe, mais ils pensent qu'ils savent mieux que nous. Les sachants. Tu vois, c'est. Tu peux pas dire qu'un film c'est de la merde, comme ça, avec un M majuscule. Déjà, si tu l'as pas vu, parce que souvent ça suit machin et tout, parce qu'il faut enterrer un film ou j'en sais rien. Non, mais moi je l'ai vu à petit niveau, hein, certains journalistes qui, pendant une avant-première, sortent du film Et après, c'est les mêmes qui vont te parler du film. Ou faire une interview derrière. C'est, moi, c'est, moi j'ai du mal. Je regarde, je m'infuse, même si c'est un film que j'apprécie pas, je m'infuse jusqu'au bout. Et j'ai, comme je dis, j'ai des munitions derrière pour faire une critique positive ou négative et poser mes questions. Mais comment écrire un papier en n'ayant pas vu une chose ? C'est ça. C'est comme si on va parler d'un match de football ou une course cycliste ou un match de basket et on n'est pas présent, c'est les on-dit ou ce qu'on pense soi-même. C'est la même chose. Je pense qu'on a tout travail, comme tu dis, doit être apprécié et soi-même travailler pour préparer cette émission, comme on essaye de le faire. On n'a pas la prétention de faire du super boulot, mais on aime ce qu'on fait et on aime le partager. Passons au coup de cœur rétro. Les Aventuriers du Kilimandjaro, un film une coproduction britannico-américaine réalisé par Richard Thorpe avec... C'est l'histoire de Robert Adamson, ingénieur qui est envoyé à Mombasa pour construire le premier chemin de fer de l'Est africain qui reliera l'océan Indien au lac Victoria. Et il va découvrir bientôt que les nombreux ennuis dont a été victime la compagnie ferroviaire ont pour auteur Ben Ahmed, qui voit d'un mauvais œil son commerce d'esclaves compromis par la nouvelle loi sur l'abolition. Et on retrouve des pointures, puisque Donald Pleasance, Halloween par exemple, le docteur Loomis, Anthony Newey et Alan Cumberson. Donc un bon petit film d'aventure. C'est un petit peu, j'ai pris parce que c'est un peu le thème, l'aventure dont on va parler aujourd'hui. Le coup de cœur news, eh bien, Netflix va produire un film de guerre sur la bataille de Pearl Harbor, réalisé par Peter Berg, où on a pu voir récemment dans l'excellente série À l'aube de l'Amérique, qui un peu détruit les codes du western traditionnel. Donc la plateforme va en effet produire le film de The Mosquito Ball, consacré à la bataille de Pearl Harbor, donc l'attaque de la base américaine par l'armée japonaise le 7 décembre 1941, et qui a marqué l'un des tournants de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée officielle des États-Unis dans ce conflit très long. Ce long métrage réunira notamment Nicolas Galitzin et Bill Skarsgård, un des frangins Skarsgård, dans les rôles principaux. Le film ne sera toutefois pas un récit de l'attaque, puisque son intrigue se déroulera peu après les faits, puisque ce sont des joueurs de football américain universitaires qui vont ainsi livrer un dernier match avant d'embarquer pour la guerre du Pacifique. Donc, un côté un petit peu différent de Midway, de Pearl Harbor, des Tora Tora et compagnie. Donc, je ne sais pas, moi, ce film, l'idée m'intéresse. Après, c'est Netflix, donc capable du bon comme du pire. C'est ça, exactement. La série est excellente. Il n'y aura pas Ben Affleck. Mais non. En plus, Pearl Harbor de Michael Bay, bon, c'est le film préféré de ma femme. Elle adore. À chaque fois, elle me racontait une histoire. Quand elle allait le voir au cinéma, il y avait sa sœur et ses copines qui étaient plus pour... comment il s'appelle l'acteur qui joue le meilleur ami de Ben Affleck. Et en fait, il y avait elle qui était vraiment pour Ben Affleck et tout. C'est marrant, tu vois, Michael Bay, il a fait des films comme Bad Boy, Rock, Armageddon et tout. Et Pearl Harbor, j'ai vraiment adoré au cinéma. Quoi. C'est toi qui aimes pas forcément Michael Bay. C'est mitigé. Hein, c'est... Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis mitigé. Il a fait des bons trucs. Et Rock. Très bon film. Rock est super. On avait parlé récemment. Dans les films en milieu carcéro. Voilà. Avec un Ed Harris. Eh bien, maintenant, on va passer aux avant-premières et les événements ciné, puisqu'il y en a. Hein. Alors, on aura l'avant-première avec l'équipe de Les Esprits Libres, le lundi 21 avril à 19h30 au CGR Centre. Une soirée culte Usual Suspect, le mercredi 23 avril à 19h50, toujours au CGR Centre. Allez voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Ah bah oui. Un chef-d'œuvre. Une séance Bernadette Delourde, du jeudi 24 avril à 20h, au dimanche 27 avril à 14h. Donc... ça, c'est pour le côté religieux, si vous avez envie de connaître mieux Bernadette, pas la femme à Chirac. Hein. Ensuite, Star Wars 3, La Revanche des Sith, le dimanche 27 avril, en séance unique à 18h, pour fêter le 20e anniversaire de la sortie du film. On a aussi la découverte de La Chouette d'Or, donc la fameuse chouette qui a été découverte il n'y a pas très longtemps. Donc un film documentaire, le vendredi 2 mai à 20h. Pour les fans, il y aura des parties d'Escape Game à gagner. Donc si vous êtes fan d'Escape Game et de jeux comme ça, vous pouvez aller au CGR Centre. Et puis pour les musiciens, eh bien Björk, Cornucopia, ça c'est le dimanche 11 mai 2025. Donc c'était l'histoire du 11 mai, donc ça sera vraiment le film qui va faire date, ça, puisque ça sera uniquement ce jour-là. Vous pourrez voir le très attendu film concert enregistré en direct à Lisbonne, capturé pendant la tournée révolutionnaire de l'artiste acclamé qui a captivé le public du monde entier pendant 5 ans. Donc pour les fans de Björk, vous allez voir un documentaire en même temps musical, on peut dont dire. Je fais partie. Voilà. Eh bien, maintenant, vous pouvez retrouver tous les horaires, bien sûr, des films à l'affiche de nos partenaires sur les CGR Centres de Tours et Cinéma Studio en allant sur leur site. Nous voici arrivés à la fin de ce Cinéphage, ben, spécial Jules Verne au cinéma. Merci à toute l'équipe qui a participé à cette émission. Et puis, ça nous a permis de voir tout ce que Jules Verne a pu faire pour le cinéma, et on le remercie pour sa grande œuvre. Merci à tous d'être venus et d'avoir participé. Merci Alain, merci c'était Alain. Sympa de merci nous inviter. À toi, puis avec vos petites interventions respectives, puisque l'avantage, c'est ça, quand il y a plusieurs âges, plusieurs sensibilités, on peut partager avec vous nos petites connaissances. C'est ça, et merci encore de m'accueillir parmi vous. J'adore venir ici, puis j'espère revenir très vite. Oh, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas, par contre, aussi à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage. C'est comme ça que Dino est arrivé et maintenant, on va venir de façon récurrente. Donc, c'est simple, hein, vous passez à Radioactive Montlouis ou Radioactive Amboise, vous venez dans nos studios ou vous allez sur le site et puis vous n'hésitez pas à mettre un petit mot comme quoi vous aimeriez participer à l'émission. On vous contactera et puis bah, vous vous retrouverez avec nous derrière le micro. Et bien sûr, nous vous retrouvons bientôt sur nos antennes pour un prochain Cinéphage en alternance avec Cérivore, notre émission sur les séries. En attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les cinéphages. Bye bye. Bye bye.